Join me on RIG. Ne cherchez plus. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 418 sur RIG qui commence. J'espère que vous allez bien, moi ça va, dure journée, bien remplie, j'ai pratiquement pas une minute à moi et je me retrouve après une journée sous la pluie avec le soleil, là maintenant, à partir de, enfin un petit peu avant 20h quand même, peut-être grâce aux Beatles, peut-être parce que dans mon esprit, quelque part, j'ai dû chanter « Here comes the sun, du-du-du-du ». Voilà. Peut-être. Pas sûr. Bon. Et j'espère que vous allez bien. Nous allons écouter 2 heures de Paul, John, Ringo et George sur RIG, comme chaque mercredi entre septembre et juin. Car oui, nous sommes au mois de juin et à la fin du mois de juin, la saga s'arrête. Pour mieux reprendre, au mois de septembre. Et vous allez voir en juillet, c'est sûr, en août, peut-être. On vous réserve quelque chose avec Eric qui fait Johnny de A à Z juste après moi entre 22h et minuit. On en reparlera. Bref, l'album de la semaine c'est 33 and one third. Pas facile à dire hein, pour un français. Ça veut dire 33 et un tiers qui correspondait à la vitesse de rotation du vinyle, ceux qui ont connu ça, qui correspondait aussi à peu près à l'âge qu'avait George Harrison au moment où il a enregistré cet album-là, car c'est George Harrison en 1976. On écoutera True Love, Beautiful Girl, j'adore cette chanson. See Yourself qui parle de McCartney, on en reparlera. Crackerbox Palace, Dear One, et on terminera avec Learning How to Love You. Il y aura également du McCartney, du Lennon, du Starr et des Beatles. Pour McCartney par exemple, Maybe I'm Amazed sur l'album McCartney en 70. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas écouté, on se refera plaisir. On se fera plaisir aussi en ayant une petite larme à l'œil en écoutant God sur Plastic Ono Band, la fin des Beatles racontée par John Lennon. Puis il y aura Step Lightly, qui sera justement plus light, de Ringo en 1973 sur l'album Ringo. Et les Beatles nous chanteront Please Please Me sur l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. C'est comme ça que s'appelle l'album. Pour le reste, eh bien, vous verrez. Je vous invite à me retrouver, à nous retrouver sur Facebook dans le groupe La saga des Fab Four. Je ne peux pas dire mieux. On est ensemble jusqu'à 22h. La saga commence maintenant. Bienvenue sur www.rigfm.fr. Première chanson de l'album de la semaine de George Harrison, True Love sur RIG. 33 and One Third est le cinquième album studio de George Harrison en solo, sorti fin 1976. Enregistré alors que son auteur, je l'ai dit tout à l'heure, a juste 33 ans et un tiers, d'où le titre, qui rappelle aussi la vitesse exacte de la révolution d'un disque 33 tours, il marque la fin d'une période difficile pour le guitariste après son divorce. Il fréquente désormais sa future épouse Olivia et aborde la composition de façon moins plaintive que sur ses albums précédents. Ce nouvel opus comprend donc un certain nombre de chansons toniques et optimistes, dont This Song, qui faisait allusion de façon détachée et humoristique aux soucis juridiques de George Harrison vis-à-vis de sa chanson My Sweet Lord. Comme à son habitude, le musicien se fait accompagner de plusieurs de ses amis, notamment Billy Preston ou Tom Scott, et se charge lui-même de toutes les parties de guitare. S'il est souvent considéré par la critique comme un album appréciable de George Harrison, il peine à trouver un public déçu par les albums précédents. Nous étions dans les années 70, hein. Il devient cependant disque d'or aux États-Unis avec la 11e place dans les charts et se hisse en 35e place dans les charts britanniques. Les singles qui l'accompagnent connaissent un succès honorable aux États-Unis, mais aucun d'entre eux n'entre dans les classements britanniques. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album, qui est un bon album de George Harrison. Amazed the way you comme le dit très justement Yann sur Facebook, quelle chanson Maybe I'm Amazed, extrait du premier album solo post-Beatles de Monsieur Paul McCartney. Pour le premier album solo post-Beatles de John Lennon, lui, il avait été vexé que ce soit McCartney qui écrive une fausse interview en disant « Je n'ai plus de projet avec les Beatles c'est terminé, blatati patata ». Donc que ce soit lui qui signe la fin du groupe, alors que c'était dans les faits, tout le monde était séparé, c'était McCartney qui était le dernier à essayer de faire que tout le monde travaille ensemble. Et lorsqu'il en a franchement eu marre, il a décidé d'arrêter et de sortir cette fausse interview accompagnant son premier disque solo. Eh bien, le John Lennon, il était en colère parce qu'il estimait que les Beatles c'était son groupe et que s'il y avait quelqu'un qui devait dire « les Beatles c'est fini », c'était lui. Alors, il signe un testament, cette chanson, « God » sur RIG. « Je ne crois plus en personne, je crois en moi, en Yoko et moi. » Bah oui, et c'est la réalité, selon John Lennon. Concept by which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept which we measure our pain, yeah, pain, yeah. I don't believe in magic. I don't believe in I Ching. Just believe in me. Look on me. That's reality. Yesterday, I was step lightly. You're moving too fast. Take your time, boy. Soon the pain will pass. In the meantime, you gotta find yourself a love that's gonna last. Things will work out fine, nice and easy. All it takes is time, please believe me. I wish this song was yours instead of mine. Now don't toujours croire ce que dit mon ordinateur. Mon ordinateur dit que c'est la première fois que je passe cette chanson. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je l'ai déjà passée, mais je reconnais que c'est assez rare que je passe cette chanson et pourtant elle est bien. Elle est extraite de l'album Ringo, le fameux album de 1973 dans lequel il y a eu John, George, Paul, mais rarement et même jamais tous les trois en même temps avec Ringo. Voilà, un bon album, un très très bon album de Ringo Starr. On a écouté George Harrison avec True Love, Paul McCartney avec Maybe I'm Amazed, John Lennon a chanté God et Ringo Starr, Step Lightly. Il ne reste plus qu'à écouter les Beatles. Et lorsqu'on parle des Beatles, il y a un site qu'il vous faut aller consulter parce qu'il est vraiment le plus complet qui existe sur les Beatles. C'est celui de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien, allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. I know you never even sommes en 1963 sur le premier album des Beatles. Please, Please Me, cette chanson-là avait été inspirée par Please, une chanson de Bing Crosby de 1932 composée par Leo Robin et Ralph Ringer. Je ne suis pas certain que ça se prononce comme ça, mais bon. Dont les premiers vers jouent sur l'homophonie des mots Please, P-L-E-A-S, supplique, et Please, P-L-E-A-S-E, s'il te plaît. Oh, please, tend your little ear to my please, lend a ray of cheer to my please, tell me what you love me to do. S'il te plaît, prête une oreille attentive à ma supplique, illumine ma supplique, dis-moi que tu m'aimes aussi. John raconta plus tard qu'il se souvenait que sa mère Julia lui chantait cette chanson quand il était enfant et qu'il avait toujours été fasciné par cette homophonie. Lorsque John se remit au travail sur cette chanson dans sa chambre, en 251 Main Love Avenue à Liverpool, je me souviens encore de ce jour et de l'œillet rose sur le lit, il imagina l'interprétation que Roy Orbison pourrait en donner, parce qu'il venait d'écouter Only the Lonely de Roy Orbison, justement. Il est d'ailleurs assez facile d'imaginer une version plus lente de Please Please Me chantée par Orbison. Le chanteur américain, un homme pâle, un peu empâté, qui ne quittait jamais ses lunettes noires, ne ressemblait pas à l'idée que l'on pouvait se faire d'une star du rock, mais il était brillant et inspiré, et composait ses propres chansons. Ses textes parlaient d'amour perdu, de nostalgie et de solitude. Il était facile à John de s'identifier à lui. D'ailleurs, quelques mois après Please Please Me, les Beatles ont été choisis pour assurer la première partie de la tournée de 3 semaines de Roy Orbison, qu'il fit donc en Grande-Bretagne. Nous n'avons jamais parlé d'écriture durant cette période-là, raconta Orbison des années plus tard. Le sujet qui les préoccupait à l'époque était ce que je pensais de leur chance sur le marché américain. Je leur ai conseillé de se faire connaître en tant qu'anglais et d'apparaître dans une émission genre Ed Sullivan Show. Dans une interview au New Musical Express accordée en mai 63, Orbison ajouta « Les Beatles pourraient être numéro 1 aux États-Unis. Ces garçons ont assez d'originalité pour conquérir les charts américains au pas de charge, comme ils l'ont fait ici à condition de le faire bien. Ils ont quelque chose qui est entièrement nouveau, même pour les Américains. Et malgré tous nos groupes capables d'obtenir un succès, je crois qu'ils pourraient gagner la tête des charts. » Intéressant quand même, cette réplique de Roy Orbison en 1963. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est 33 and One Third, George Harrison, sorti en 1973. Voici une des chansons que je préfère de George Harrison, Beautiful Girl, que je dédie à quelqu'un. We'll be right back. fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. McCartney en single en 1972. Vous retrouvez cette chanson sur la ressortie de l'album Wings Wildlife, paru en 1971, mais à l'origine, cette chanson ne paraissait pas, n'était pas sur l'album, bien évidemment, vous l'avez compris. Close your eyes and I'll kiss you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Thank you. close your eyes and I'll kiss you. Sur RIG 90.7, c'est vraiment la radio des Beatles le mercredi entre 20h et 22h. On a écouté d'abord All My Loving sur With the Beatles en 63, puis deux ans plus tard sur Help, la chanson Help. Et revoici John Lennon, mais 6 ans après cette chanson-là, 6 ans après Help, en 1971 sur l'album Imagine, il a besoin qu'on lui dise la vérité. Très belle chanson enragée, mais très belle chanson de John Lennon. Give me some truth sur RIG. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, big-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dick is gonna mother her, but top so mean, but just a pocket full of hope. Money for dough, money for rope. Woo-hoo! Parle de l'album de la semaine, l'album 33 and One Third. Plus funky que jamais, Harrison démarre son disque en trombe avec Woman Don't You Cry For Me, une chanson esquissée en 1969 et oubliée depuis, tout comme Beautiful Girl, une tendre et poignante ballade datant de cette même époque. George en avait achevé les lyrics et dédié la chose à son nouvel amour, signe d'une aspiration en manque de souffle. George a également repêché See Yourself, qu'on va écouter dans quelques instants, de sa période Beatles. La chanson fait référence à l'honnêteté malheureuse de McCartney lorsqu'il avoue à un journaliste qu'il prenait du LSD tout en lui laissant la responsabilité de publier ou pas cette information, ce qui fut fait sans état d'âme, laissant à Paul seul le poids de ses propos face à une jeunesse prompte à suivre sans grand discernement le modèle de ses idoles. Parmi les créations les plus récentes, Dear One, It's What You Value, Crackerbox Palace sont d'authentiques réussites, tout comme This Song, emmené tout cuivre en avant à un train d'enfer. Cette tentative d'exorciser sous une forme humoristique les méfaits psychologiques du procès My Sweet Lord aura fait l'objet, mais sans grand succès, d'un premier single pour lequel avait été tourné un vidéoclip assez drôle avec des apparitions d'Eric Idle, Ron Wood, Billy Preston et Jim Keltner. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant au sujet de cet album-là. Et voici donc la fameuse chanson faite du temps des Beatles, gardée de côté, et qui concerne Paul McCartney, See Yourself sur RG. Yeah.

There'll be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. 1966, nous allons prendre 10 ans et arriver en 1976 pour l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est 33⅓. Voici Crackerbox Palace, George Harrison sur RIG. À voir, mais ça vient de m'arriver à l'esprit. En 1976, George Harrison vous invitait au Crackerbox Palace, alors que les Eagles vous invitaient à l'Hôtel California. Voilà, les deux chansons sont bien, les deux chansons n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson que Paul, John, Ringo, George a chantée, que ce soit avec les Beatles ou sans les Beatles, en solo. Et même si les Beatles eux-mêmes, par exemple, ou les post-Beatles, les Fab Four, comme on peut dire, faisaient eux-mêmes une cover, c'est un autre artiste qui chante la chanson. Et ça pourrait être vous, si vous m'envoyez la chanson, pourquoi pas, si elle est bien faite. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas en tant que cover. Et là, pour cette chanson de dingue, il fallait un dingue. C'est en 1998, sur l'album de George Martin qui s'appelle « In My Life ». Voici Jim Carrey qui chante I Am The Walrus sur RIG. Quelle superbe cover. Cuckoo. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? J'aime cet album, que j'aime cette chanson. Old Siam Sir sur l'album Back to the Egg, sorti en 1979, soit il y a tout juste 40 ans. Il ne m'étonnerait pas qu'il nous sorte un album, un coffret spécial d'ici quelques temps, avant la fin de l'année, j'espère. Et je peux vous donner un scoop aussi, il est fort possible que ce soit un album de la semaine avant la fin du mois. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real.

Everybody wants to smile. Everybody needs a mention. Attention, attention, attention, attention. For a while. Give me your attention for a while. De l'album Stop and Smell the Roses de 1981, un album qui, selon moi, marquait la remontée sur l'étrier de Ringo Starr après des albums décevants à partir de 1975, même si on peut toujours trouver des choses pas mal dans ces albums-là. Là, cet album-là, il est presque parfait. Il y a une chanson très très mauvaise qui est assez surprenante, c'est Drumming is My Madness. Là, elle est très très mauvaise. Sinon, les autres sont plutôt bonnes et je vous invite à écouter cet album-là, à l'acheter, puisqu'il faut toujours acheter les albums des gens qu'on aime. Et c'est vraiment un très très bon album, selon moi, de Ringo Starr, qui donc redevenait le Ringo qu'on va finir par connaître maintenant et reconnaître, à savoir quelqu'un qui vieillit bien, qui vieillit très très bien. Retour à l'album de la semaine. Le côté religieux de George Harrison ne peut pas s'en empêcher. Voici Dear One, une très belle chanson néanmoins, de George, sur l'album 33 and One Third, l'album de la semaine de 7 Saga des Fab Four. Vous êtes sur RIG. RIG, c'est 90.7 ou www.rigfm.fr.

space. They could be who they want to in their own little place. They could be who they want to in their own little place. They could be who they want to. Preuve, 2 ans plus tard, après 1981, donc en 1983, de ce que j'avançais, Ringo Starr redevient très bon avec cette chanson, Picture Show Life, en 1983 sur l'album Old Wave. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder, should I call you? But I know what you would do. 1974, John Lennon. Et je vais vous proposer un titre que j'aime bien. C'est le nom que j'aime pas. Bon, allez, ça s'appelle Dear Yoko. C'est sur l'album que j'appelle Simple Fantasy, mais qui s'appelle en vrai Double Fantasy. Even after all these years, I miss you when you're not here. I wish you were here, my dear Yoko. Even if it's just a day, I miss you when you're away. I wish you were here today, hey, dear Yoko. Even if it's just one night, I miss you when it don't feel right. I wish you were here. Une chanson enjouée. Il aimait sa femme et il avait raison d'aimer sa femme, John Lennon. Je ne lui reproche pas. Et voici par exemple, pour le dernier extrait de l'album de la semaine, l'une des plus belles chansons d'amour qui existe, Learning How to Love You, sur RIG.

end. Here we go. So long ago. Well, nothing's changed, and if you don't believe me, look out your window. Cette saga des Fab Four numéro 418. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et dans quelques instants, il est là, derrière moi. Il est prêt. Il a fait 50 pompes. Je l'ai entendu courir derrière, hors de la radio. Il est chaud. Il s'appelle Eric Gallo. Et dans quelques secondes, ce sera Johnny de A à Z. À très bientôt. Salut. Ciao.